Le rebouteux, c'était Youn. Youn, mon Youn, père. Ouais. C'était assez souvent le voir, lui. Peut-être qu'il m'a vu au bistrot là-bas. Ouais, c'est possible. Ah ouais, le frilou, le frilou. Ouais. Ton père était rebouteux. Oui, il soignait beaucoup de monde. Ouais, et des bêtes. Les bêtes aussi. Il est, je me souviens, là, chez nous, soignait des vaches. Il y avait des problèmes de pied. Ah oui. Ouais. Soignait beaucoup de monde. Ah oui, oui. Et beaucoup le lundi, quand il y a eu le football à Briec, à tout le monde arrivait là-bas le lundi. Donc il manipulait. Les pousses, là. Du Lardousse. Lardousse, oui. Paul Lardousse. Ouais. C'était son surnom. Oui, oui. À tout le monde, Paul Lardousse. Ça, il traitait toujours avec du... Ben oui, ce qu'il avait sous la main, ben oui. C'était pour faire... Plus que ça glisse. Glisse, oui.